Vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1, la radio culturelle. Si tu aimes, ce n'est pas toi qui veux ton corps, c'est le moi. Bienvenue à Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy pour la prochaine heure. C'est la dernière de la saison, mais pas la dernière de Web Musique. Je reviens cet été à compter de 21h, donc encore le même horaire, il n'y a rien qui change. Puis, c'est ça, j'avais quand même assez hâte cette semaine de faire l'émission. J'ai trouvé de la bonne musique. Vous pouvez consulter la playlist au www.webmusique.org. Vous allez retrouver les artistes qui jouent à l'émission. Puis, vous pouvez télécharger toutes les pièces que vous entendez. Donc, c'est ça, on va débuter tout de suite. L'émission est quand même assez chargée cette semaine. On va débuter avec deux artistes qui ont été publiés sur Dusted Wax Kingdom. C'est un netlabel qui vient de la Bulgarie, un netlabel que je fais souvent jouer à l'émission. J'adore à peu près tout ce qu'ils ont à proposer. Donc, on va débuter avec un artiste de la Suède du nom de David Rinman. Je vous fais passer sa pièce « Based on Instrumentals ». Vous allez voir, c'est vraiment bon. Une petite touche cinématique, hip-hop, vous allez voir, c'est vraiment bon. Puis ensuite de ça, ça va être suivi par Elonius Funk, un artiste de la Colombie-Britannique, de la ville de Vancouver plus précisément. Je vous fais passer sa pièce « Here Comes the Penguins ». J'adore le titre, c'est vraiment tordant. Donc, c'est ça, on débute tout de suite, sans plus attendre, Web Music avec David Rinman. We'll be right back. C'était Helenius Funk avec sa pièce Income de Penguins. Donc, Helenius Funk qui vient de la Colombie-Britannique, de la ville de Vancouver plus précisément. Avant ça, c'était David Rinman, un artiste suédois de la ville de Stockholm. C'était sa pièce Based on Instrumentals. Donc, ces deux artistes-là sont publiés sur Dusted Wax Kingdom, une étiquette qui vient de la Bulgarie. Pendant l'émission, pendant les pièces, sentez-vous bien à l'aise si ça vous tente de me rejoindre. Je suis toujours à l'écoute. Vous pouvez me rejoindre au 418-640-1586. Ça va me faire plaisir de vous parler si vous avez des questions ou peu importe. Je suis toujours ouvert aux suggestions. On va poursuivre avec deux pièces qui se retrouvent sur la compilation Recto versus Volume 2. C'est publié sur LCL Netlabel. Cette compilation-là, ben, c'est des remixes de l'artiste Aro Gallo, donc un artiste qui vient de la Sardaigne, une petite île en Italie. Donc, c'est plusieurs artistes du Netlabel qui ont remixé ces pièces et lui-même qui a remixé des pièces d'autres artistes. Donc, une compilation vraiment intéressante sur LCL Netlabel, LCL pour Libre comme l'air. Donc, on va débuter avec un groupe français qui remixe les pièces d'Aro Gallo. Le groupe s'appelle TDBT and Gary's. Je vous fais penser la pièce Remake Aro Gala. Donc, ensuite de ça, ça va être Aro Gala qui remixe Volatile, la pièce Belgrano Dub. Vous allez voir, c'est vraiment bon. Donc, pour tout de suite, TDBT and Gary's. Thank you. de l'excellent dub à l'antenne de CKRL, c'était la pièce Belgrano Dub. C'est par Arogala qui remixe une pièce de Volatile. Avant ça, c'était le groupe français TDBT and Gary's qui remixait une pièce d'Arogala. Donc, la pièce s'appelle Remake Arogala. C'était sur une compilation qui s'appelle Recto Versus Volume 2. C'est sur le Netlabel, LCL Netlabel. Donc, un Netlabel français qui est vraiment intéressant, qui ont plein de trucs, surtout reliés au dub, mais ils ont des trucs vraiment variés. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour de leur côté. On va poursuivre Web Music avec une pièce du groupe qui est établi au Japon, Satanic Porno Cult Shop. La pièce s'appelle Hiking with Mephistopheles. Ça, c'est un remix de Ergo Fizmiz qui a lancé un album qui s'appelle The Faust Cycle. C'est un album qui dure une quinzaine d'heures, donc toutes sortes d'ambiances, vraiment complètement les plus folles les unes que les autres. Ergo Fizmiz, un artiste spécialiste du cut and paste, donc un album qui est vraiment, qu'il faut absolument de télécharger. Ça dure quand même 15 heures, mais c'est des trucs vraiment surprenants. Donc ça, ben, c'est un album qui a été fait. C'est un remix, je crois qu'il y a plus d'une vingtaine de pièces donc qui ont été remixées. Donc l'album s'appelle The Faust Recycled. Donc il y a plusieurs artistes qui ont repris les pièces de cet album très long pour en faire une version un peu plus compacte. Donc, ben c'est ça, on va entendre la pièce Hiking with Mephistopheles, c'est par Satanic Porno Cult Shop. Thank you. programmation printemps-été 2010 de CKRL a tout du cocktail. Mais s'agit-il d'un mélange de boissons, d'une réception mondaine avec buffet ou d'un projectile incendiaire? Un peu tout ça, mais plus encore. Une grille bien chaude où frétillent des émissions qui sauront vous sustenter et vous divertir. Pour connaître tous les ingrédients de ce cocktail estival, ne manquez pas notre émission spéciale animée par Jean-Sébastien Grondin et François Tremblay en direct du Bal du Lézard le 31 mai de 15h30 à 17h30. Vous écoutez CKRL, radio culturelle au 89,1. De retour à Web Musique, vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. La pièce un peu étrange que vous avez entendue avant la pause s'appelait Hiking with Mephistopheles. C'est un remix d'une pièce de Ergo Fizmiz qui était sur son album The Faust Cycle. Donc ça, c'est donc un album compilation qui remixe les trucs de Ergo Fizmiz. Le groupe s'appelle Satanic Porno Cult Shop, un groupe qui est établi au Japon. Ça a été publié sur l'excellent netlabel Edphonica. On va poursuivre la deuxième demi-heure de l'émission avec de la musique un peu plus tendance post-rock, donc autour de ces influences-là. On va débuter avec un groupe de l'Argentine du nom de Hemisferio 3100. La pièce s'appelle Meridiano Interplanetario. Puis ensuite de ça, sur Pterodactyl Squad, un netlabel qui se spécialise dans les trames sonores de jeux vidéo. Donc, allez faire un tour de leur côté. J'adore la page d'accueil, le graphisme. Puis, donc, ils ont des groupes vraiment pétés qui donnent dans le 8-bit musique jeux vidéo. Donc, ça va être le groupe du Michigan Noise Waves avec leur pièce « Do I look like I want to play volleyball ?» Un drôle de titre quand même assez long. Donc, pour tout de suite, la pièce Meridiano Interplanetario par Hemisferio 3100. We'll be right back. Wow, quand même assez épique comme pièce. La pièce s'appelle Do I Look Like I Wanna Play Volleyball? C'est par un groupe qui vient du Michigan. Le groupe s'appelle Noise Waves. C'était sur Pterodactyl Squad, un label qui se spécialise dans les albums trames sonores, jeux vidéo. Donc, un label assez intéressant. Puis, ben, c'était précédé par un groupe de l'Argentine du nom de Hemisferio 3100. C'était la pièce Meridiano Interplanetario. Donc, deux pièces vraiment planantes. Pour poursuivre, Web Music qu'on va entendre, c'est sur Subwise, un netlabel qui vient de la Russie. Ça s'appelle My Automata. C'est featuring KBC, Prez Mariachi. Ça, c'est un artiste russe. Donc, je vous fais passer la pièce Too Old Meme. Puis ensuite de ça, sur Mine, All Mine Records, ça c'est un netlabel qui vient de Madison au Wisconsin. Le groupe s'appelle Saiga, un groupe qui vient de Londres. Donc, je vous fais passer la pièce Outside Over There. Mais pour tout de suite, on écoute My Automata. Half a pack of cigarettes, it's dark, and we're wearing sunglasses. Hit it. I

Oh, que c'était bon, c'était la pièce Outside Over There, c'était par le groupe londonais Saiga, c'était sur le netlabel Mine All Mine Records, donc un netlabel qui vient de Madison au Wisconsin. Ça va malheureusement déjà être tout pour Web Music, je vous ai quand même gardé une dernière pièce pour finir ça en beauté. Donc je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces entendues à l'émission, puis il y a l'émission aussi qui est disponible en balado-diffusion, en podcast si vous préférez. Donc pour tout ça, vous vous rendez au www.webmusic.org. Vous avez tout ce qu'il vous faut sur la page pour télécharger les pièces. Donc c'est ça, on va se laisser sur une pièce de Synapsis. C'est un groupe qui vient de l'Argentine. Je vous fais passer la pièce La Era del Maneje. Donc c'est sur Planeta X, un netlabel qui vient de l'Argentine. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 21h pour une autre émission de Web Music. Puis d'ici là, passez d'excellents moments sur les ondes de CKRL. Bonne nuit.